La famille. Le père. La mère. Le frère. L'oncle. La tante. La rue. L'avenue. La boulangerie. La pharmacie. Le musée. La banlieue.